France et un classique. Uh-huh. À pas dire que dans ma vie y'a classique qui m'inspire. Ok ok, j'ai le stylo branché au cœur. Ouais. J'essaye de faire le vide, excusez-moi pour mes hauts cœurs. Cette vie est pathétique, comment y trouver son compte quand tu vois des abrutis dirigent le monde. Regarde autour de toi, tout a un prix. Et on se demande pourquoi l'argent nous obsède. Ils mettent des lois pour essayer de nous contenir. Pourtant, une des devises de mon pays c'est liberté. On vit pas au pays d'Alice. Ça sera pareil pour mon fils, son fils et ainsi de suite. Retransmettre nos valeurs, c'est fondamental. L'argent c'est qu'une option mais le mental c'est vital. On n'a plus le temps et ça sera de pire en pire. Faut qu'on respire, ouais. Faut qu'on respire. Ceux qui m'écoutent ne sont pas nés de la dernière pluie. Certains ont même que la musique comme point d'appui. Je vous respecte, très loin de moi l'envie de percer. Étant tout petit c'est des classiques qui m'ont bercé. Faut rester fort, même quand la vie t'épuise. Et que ton moral est dans tes chaussettes, premier prix. Du premier cri jusqu'au dernier, fais ton chemin. C'est toi le pilote pour assurer tes lendemains. Ne fais pas la bise au diable, invite le pas à table. Il fera croire que sans lui t'as plus d'espoir. Si ton âme est froissée, repense aux bons souvenirs. Lis en toi comme un sourd, lis des sous-titres. On s'attend au pire, constamment paranoïaque. Le temps nous fait payer toutes ces erreurs qu'on a mises sur l'ardoise. J'ai des frères sournois, loin d'être soumis dans la souffrance et ne pense qu'à son pifret shit. Ma plume est morose comme l'ambiance ici bas. Si je suis si pâle mon pote, ce n'est pas à cause du froid. Constamment choqué, les attitudes sont dopées. Les nerfs en pelote quand la police vient te blotter. Toute ta vie est pilotée par la télévision. Apprends bien tes leçons petit, l'histoire est foirée. C'est traumatisant, génération j'ai trop teasé. Attiré par le mal, on se jette dans la toile qui l'a tissé. Scolarité méprisée, la rancœur me fait la bise. Un texte sans queue ni tête qui a besoin d'une analyse. Un classique, à partir de ma vie, un classique qui m'inspire.